بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم الحائية لابن أبي داود في عقيدة أهل السنة والجماعة. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, حفظه الله تعالى. Troisième leçon. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Aujourd'hui, on prend quatrième et cinquième vers. Toujours en lien avec Mas'alat Khalq al-Qur'an. Que la part d'Allah est créée, d'après eux. Faqala al-Munazzimu rahimallahu ta'ala. ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أدباء الجهم وأزجحوا. طيب. ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أدباء الجهم أو أزجحوا. ولا تكو نبي دي كما لا نخوا نسوا با تكو سي تكون ne soit pas fil Coran, dans le Coran le waqf c'est le fait de s'abstenir, l'abstention on va dire, l'abstention, c'est à dire en fait ne soit pas de ceux qui disent qu'ils s'abstiennent, c'est à dire que le Coran est créé ou pas créé. Kama qala adba'u al-jahmin aw asjahu, comme l'ont dit les suiveurs de al-jahm, ou comme ils l'ont Asjahu, ils l'ont accepté, mais ils ne veulent pas le faire apparaître. Je n'ai pas vraiment trouvé le Asjahu. Dans une version, le Shem a dit, ils ont dit, ils donnent Aou Sahahu. Mais Asjahu, dans le sens qu'ils ont la chose, ils l'ont accepté. Ils l'ont accepté. Pareil. Donc, Yani. Après que dans le verset précédent, qui était وَقُلْ غَيْلِ مَخْلُوقٍ كَلَمْ مَلِيكِنَا بِذَلِكَ أَدَانَا الْأَوْلِيَاءُ وَأَفْصَحُ, où il parlait de ceux qui disaient que le Coran était créé, toi ne dis pas cela, la parole d'Allah est incréée, il mettait en garde justement contre eux, ceux qui disaient cela, que la parole d'Allah est créée. Donc maintenant il s'est mis à mettre en garde contre qui ? Ceux qui s'abstiennent de dire que le Coran est créé ou pas créé. Car comme on a dit, les Ahl Sunnati wa Jama'a, Jana Sunna, ils ont dit que le Coran, c'est la parole d'Allah incréée. Les Jahmiya et d'autres, parmi eux le Mu'tazila, parmi eux, ils ont dit que le Coran est créé. Donc des gens sont venus et ont voulu se mettre entre les deux. Nous on dit ni l'un ni l'autre. El Waqifa, comme on dit. Les abstentionnistes. Qui disent, moi je ne dis rien. Je dis ni créé ni incréé. Je m'abstiens. Mutawaqqifun. Donc ceux-là, là il est venu me mettre en garde contre justement ces gens-là également. Toi, en tant que sunni, tu dois le dire. Al-Qur'an, kalamullahi, ghayr, makhluq. Le Qur'an, ça porte Allah incréé. Tu ne dois pas dire, ce n'est pas au salat ou salat. Non, ça ne l'est pas. Tu le dis clairement. Ni tu t'abstiens, ni tu dis le contraire. Donc là on se trouve avec trois firqas, trois groupes. Troisième à venir. Premier groupe, ceux qui disent que le Coran il est créé. Deuxième groupe, ceux qui disent que Al-Waqifa, on s'abstient, on ne dit rien. D'accord ? Donc ceux-là, ils sont pires que les premiers. Ceux qui disent on s'abstient, sont pires que les premiers. Parce que les premiers, tu sais qui t'as à faire. Direct. Alors qu'ils font croire, nous on s'abstient, mais au fond, ce qui penche pour le call des autres, en fait. Ce sont aussi des Jahmiya, mais ils sont cachés. Ils se cachent. Ils ne veulent pas le dire. D'accord ? Ils font apparaître en cela el wara. Genre nous, on craint en disant cela de dire quelque chose qu'il ne faut pas, donc on ne le dit pas. Mais en réalité, ils le pensent, mais ils ne veulent pas le faire apparaître. Donc eux font apparaître, soi-disant vouloir le khayr, et en réalité ils cachent le mal. Yuridun, an yuzhiru al khayr, wa yubtinun al shar, al batin. Donc celui qui a fait connaître cette bid'a, du khorq al Qur'an, c'est qui? On a dit, c'est Jaham, le Safwan. Lui l'a fait apparaître, l'a fait connaître. Mais il l'a pris de qui? De Ja'ab. Il a pris de qui? De Ja'ab ibn Dirham. Et Ja'ab l'a pris de qui? Il l'a pris de Bayan ibn Sab'an. Bayan ibn Sab'an. Et Bayan ibn Sab'an, il l'a pris de Talut ibn Ukht Labiz ibn al-Asam. Talut, comme dans le Coran, c'est venu Talut. Celui qui est envoyé à comme Malik à Bani Sarai, il s'appelait Talut. Donc là, Bayan, il a pris de qui? Bayan ibn Sab'an, il a pris de Talut ibn Ukht Labiz ibn al-Asam. Talut, c'est un juif. Talut, c'est un juif. Lui, il a pris de qui? De son oncle. Son oncle, c'est Labiz ibn al-Asam. Et Labiz ibn al-Asam, c'est celui qui a jeté un sort au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois la chaîne de narration, elle revient à qui? Aux juifs. Ceux qui ont dit que le kalem, kalem Allah makhlouq, parce que le Coran, chez les juifs, c'est pas le Coran. Donc le os de la bid'a, c'est dire que le kalem Allah est makhlouq. Ça vient de qui? Des juifs, à la base. Donc ça, c'était le quatrième vers. Quatrième vers. Naam. A'asam. Al-A'asam. Ani hafzat al-kat. Aïn. Sod. Mim. Al-A'asam. Labiz. Lam. Ba. Ya. Zal. Ibn. Al-A'asam. Qui l'a enseigné à son neveu. Qui est-il? Talut. Ani le fils de sa sœur. Et Talut l'a enseigné à qui? Bayan ibn Sab'an. Et Bayan ibn Sab'an l'a enseigné à qui? À Ja'ad ibn Dinar, Dirham. Enfin, à chaque fois je confonds. Taïeb. Et Ja'ad l'a enseigné à qui? À Jahm ibn Safwan. Et Jahm est celui qui l'a fait connaître le plus. Et Jahm n'est pas qu'un suiveur, c'est une tête meneuse. Parce que des gens sont partis dire que, vous pouvez dire, c'est Ja'ad, c'est pas Jahm. Pas 10 ans. Parce que celui qui l'a fondé, c'est lui le novateur, celui qui suit, c'est pas le novateur. Il dit, ben, cette Qaïda-là est complètement fausse. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de Zou, Khouaïsira, celui qui a dit Irdin al-Muhammad, c'est lui qui a fondé, on va dire, le premier à avoir exprimé le fiqh des Khawarij. Donc tous les autres, c'est les suiveurs, c'est pas des Khawarij. Il a dit Kilab al-Nar. Il n'a pas dit Kalb al-Nar, il a dit Kilab. Ses suiveurs sont des chiens du feu. Donc ça veut dire que cette Qaïda, l'innovateur, celui qui a fondé les autres, c'est pas des innovateurs. Il n'y a plus d'innovateur sur terre, mon frère. Là, c'est l'Ajib. Le Tablir, c'est Mohamed ibn Ilyas qui a fondé le Tablir. Donc le Tablir qu'on a aujourd'hui, c'est pas des Moutadia, c'est juste Mohamed ibn Ilyas. Tu peux aller loin comme ça. Pas mal. Cinquième verset. Afouen, cinquième vers. ولا تقول القرآن خلقا قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح ولا تقول القرآن خلقا قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح لا تقول لا ناهية تقول le fait de dire ne dis pas القرآن خلقا قرأته que le Coran est une création que j'ai lue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que ma récitation est une création. Fa'ina kalam Allah, car c'est la parole d'Allah, billafz yudahu. Que la parole d'Allah, la prononciation doit être clarifiée. Ça va être expliqué par le Cheikh, Inch'Allah. En fait, il parle de qui là? Ceux qui disent, lafzi bil Qur'ani makhlouqun. Que ma prononciation du Coran est créée. Et ça, c'est la troisième secte, qui s'appelle Al-Lafziyya. Al-Lafziyya. Al-Lafz, c'est une prononciation. Donc maintenant, nous sont éclaircies les trois catégories dans ce sujet. Ceux qui disent que le Coran est makhlouk, al-khalqiyya. Ceux qui disent on s'abstient, al-waqifa. Et ceux qui disent lafzi bil Coran makhlouk. Ça c'est lafziya. Et aussi pareil, dans leur kalem, il y a talbis. Il y a du vrai, il y a du batil. Ton love, là, ce que tu prononces toi, c'est créé. Mais là, ce que tu prononces, c'est kalem Allah, ce n'est pas créé. Donc, attention. Et ça, c'est parmi les temps des codes, el-bida, el-ijmaliya. Ils viennent avec des paroles vagues, générales comme ça. Il n'y a pas de tafsil, il n'y a pas de détails dans leur kalem. Ça englobe du vrai et du faux. Donc en islam, chez el-sunati wa jama'a, on voit un kalem wadih qui n'englobe pas de mal. Tu dis la vérité. Tout ce qui comprend un bien, une vérité et un faux, on va le mettre avec le faux, non. Direct. Il faut que tu sois clair dans ce que tu dis. D'accord ? Tout comme tu ne dois pas dire non plus « Love thee bil Qur'an ghayr makhlouq ». Il y a du vrai et du faux également. Quand tu dis « Ma prononciation du Qur'an n'est pas créée ». Comment elle n'est pas créée ? Ta voix n'est pas créée. Le son n'est pas créé. Le kalam Allah n'est pas créé. Mais toi, ta prononciation, elle est créée. Et les autres disent quoi ? Ma prononciation, elle, est créée. En fait, tu joues entre les deux. D'accord ? Donc tu dis, le kalem d'Allah n'est pas créé. C'est tout. Il n'y a pas avec des paroles comme ça, vagues, ambiguës, qui renferment un vrai et un faux. Dis un kalem direct. D'accord ? Tu peux dire, le kalem d'Allah est créé, mais le son de ma voix est créé. Une phrase entière. Le kalam d'Allah que je récite est incréé, mais le son de ma voix, quand mes lèvres bougent, tout ça, le mouvement de ma langue, ça c'est une création. Donc tu ne dis pas lafzi bil Qur'an, vous voyez, makhlouk. Ma prononciation du Qur'an, elle est créée. Parce que le Qur'an, il n'est pas créé. Et donc comme tu ne dois pas dire le contraire. Lafzi bil Qur'an, ghayr makhlouk. La prononciation du Coran n'est pas créée. Si, il y a de ça, il y a de ça. Donc attention aux paroles comme ça. D'accord ? Et c'est ça que le verset veut dire. Le vers, il veut dire. Car le kalem d'Allah doit être clarifié. Tu dis que le kalem d'Allah est incréé. Car lui, quand on dit ça, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Développe. Détaille. Vous voyez ? Explique-nous. Ta parole comme ça, elle est vague. Il y a du vrai, il y a du faux. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Et comme je te le dis, chez les gens de la sunna, celui qui a une parole qui englobe du vrai et du faux, on le met avec le faux. Comme la masala de dire qu'Allah, il a un corps. Tu veux dire quoi par là ? Qu'il a un corps. Il y a du vrai, il y a du faux. Ça, il y a l'article sur le site. Par rapport. Et chez l'islam, il a mis en garde contre ces paroles vagues comme ça, qui englobent un sens réel et un sens faux. Fais attention. Et donc ces gens-là, là, qui ne viennent avec des sous-entendus comme ça, qui font des allusions, d'accord ? Ils font des allusions, ils sont pires que ceux qui sont clairs. Et ils sont comparables aux munafiqines, comme on l'a dit ce matin. Dans le Coran, dans Sourate al-Baqara, Allah, subhanahu wa ta'ala, définit trois genres de personnes au début. Les croyants, les kuffars et les munafiqoun. Et la partie concernant les munafiqoun est plus longue que les autres. Car le munafiq, il est pire que le kafir. Car le kafir, tu sais qu'il t'a affaire direct. Le munafiq, il te fait croire qu'il est avec toi, et au fond, il est contre toi. Donc lui, c'est le traître. Comme on dit, c'est lui qui ouvre ta maison, lorsque tu as affaire à ton ennemi, tu es dans une forteresse, l'ennemi ne peut pas rentrer. Bismillah. Et bien lui, il ouvre la porte. Il est avec toi, il est dans tes rangs, et quand tu ne le vois pas faire, il part discrètement, ouvre la porte, et l'ennemi, il rentre. Lui, il est pire que tous. Tu crois qu'il est avec toi ? T'as le dos tourné, ils te plantent dans le dos. Donc, attention, munafiq. Donc ces gens-là, c'est une forme de munafiqoun. Ils cachent le fait que le Coran pour eux il est créé, ils ne veulent pas le dire. Car les arguments des autres sont forts. Mais ils ont pour croyance que ce que les autres disent, ils penchent pour eux, mais n'osent pas affronter les autres. Al-Waqifa, comme on dit, Al-Waqifa. C'est comme, le Shi reste un exemple, le Wad Da'oun. Ceux qui font des hadiths maudours, inventés, mensongers. T'en as parmi eux, c'est des anadikas, des hypocrites. Donc quand ils font un hadith maudour, on sait ce qu'ils veulent. Et t'en as d'autres, c'est des zuhad, des ubbad, des gens de l'ascétisme, des gens de dévot, d'adoration. Donc ceux-là sont plus dangereux. Pourquoi? Parce que les gens les voient et sont leurrés par eux. Parce qu'ils disent, regarde, lui c'est un adorateur, regarde. C'est pas un zindir, c'est pas un ceci, cela. Donc son hadith, quand il le dit, je vais le prendre. On dit non, attention. Donc on met encore plus en garde celui qui porte l'habit de la vérité. Car il est plus trompeur que les autres, plus dangereux. Donc revenir, dire que le Coran il est makhlouq, il est créé, celui qui dit ça, c'est un kafir. C'est un kafir. Car cela revient à dire que les attributs d'Allah sont créés. Un asifat Allah makhlouqa. Car le Coran, une sifat illah. Donc, ceux qui disent cela parmi les Jahmiya, les Mu'tazila, car ce n'est pas tous qui disent cela. Parmi eux, il y a le Waqifa. Ceux qui disent que le Coran il est makhlouq, eux, c'est les Kuffars. Qui est parti pour dire leur takfir? On a dit qu'il y a Ahmed. Ibn Mubarak, Al-Thawri, Sofiane, Ibn Isa, Ibn Jarrah, Yazid Ibn Harun, plusieurs parmi les Aïmma, les grands savants, les Salafs, les Hufaz, ont dit que ceux qui disent Al-Kharqiyya, ceux qui disent que le Coran est makhlouq, c'est les Kuffar. Nafoum Hada? Ahmed, Ibn Mubarak, Al-Thawri, Ibn Isa, Ibn Jarrah, Yazid ibn Harun, et d'autres. Ça, c'est en guise d'exemple. Il y en a d'autres, plein d'autres. Qui dit que le Coran est makhlouq et créé, c'est un kafir. Et qui dit que c'est le waqifa, je m'abstiens, c'est un mubtadi'. Et celui qui dit l'offre du Coran makhlouq ou rien makhlouq, on met avec eux. Jusqu'à ce qu'ils bénissent ce qu'il a voulu dire par là. Mais généralement, les gens de la Sunna, ils sont clairs quand ils parlent. C'est les gens de la Bid'a qui font des usulbes comme ça, des asalib, khafiyya, comme ça, l'ijmalat. Mafoum? Taïb, haïla huna, walhamdulillah.